Kaderski qui l'approche. Et le désert se tend. J'avance pieds nus sur la gorge brûlante du monde. Chaque grain me juge, chaque souffle me jauge. Ma voix ne tremble pas, même si l'air me tranche. Je suis Riderskill, celui qui transforme la poussière en flamme. Je n'ai pas cherché la guerre, mais elle m'a trouvé. Et alors j'ai crié, et dans mon cri, ils ont entendu leur nom. Font les dunes comme une lame. Tes mots sculptent l'espoir sur les roches mortes. Tu n'es pas un strima, tu es un guide. Chacun ma chère Torandune Shalraiderski Aranakton. Tu es là avec moi. Pas besoin d'or ni de gloire, tu portes nos voix et nous portons la tienne. Un pacte scellé par le stream, un feu qu'on n'éteint pas. Ils croient que ce n'est qu'un jeu, mais ici, chaque pixel est un choix. Chaque minute, une offrande, et moi, j'offre tout. Sans filtre, sans pause, sans masque. Je ne suis pas seul, car vous êtes là partout, silencieux mais puissant. Invisible, mais réel. Drakvel Nadkar. Passe pas dans le sable, je laisse des empreintes. Même si le vent souffle fort, il ne pourra pas effacer les flammes. Mais quand la tempête passera, il restera une trace. Riderski, gravé dans les dieux. Quand la lumière s'éteint, il ne reste plus que moi. Et cette chaleur étrange dans la poitrine, ce lien invisible, ce souffle partagé. Tu ne regardes pas un show, tu entres dans un rituel. Et ensemble, on transcende les pixels.